de Ulysse Travel. Salut à tous et à toutes. Nouveau voyage dans l'univers de Star Wars. En 2012, la grande compagnie Disney décida de racheter les droits de la saga avec bien sûr l'autorisation de George Lucas, avec qui ils avaient déjà fait appel à ses services dans les années 80 pour la production de Captain EO, un court-métrage futuriste en 3D avec Michael Jackson. Disney, après avoir racheté la saga Star Wars, a rendu les œuvres de la saga, les jeux vidéo et les livres, non officiels à la saga. Disney a donc essayé de recréer l'univers. En 2014, fut créée une deuxième série qui se nomme Star Wars Rebels, qui se situe entre l'épisode 3 et l'épisode 4, et qui raconte l'histoire de Ezra Bridger, un jeune garçon sensible à la Force, qui rejoint l'escadron Phoenix, composé de Kanan Jarrus, un ancien chevalier Jedi, Hera Syndulla, une pilote Twi'lek, Sabine Wern, une Mandalorienne, Zeb Aurelius, un Lassat, une race alien très puissante, et Chopper, un petit droïde. Leur but est de lutter contre l'Empire et en rassemblant plusieurs personnes à leur cause, en créant ce qui deviendra l'Alliance Rebelle. Cette série fut d'une excellente réputation au même niveau que la première série Star Wars The Clone Wars. En 2015, J.J. Abrams réalisa la suite que tout le monde attendait depuis longtemps. Star Wars épisode 7, Le Réveil de la Force, qui se déroule 30 ans après les événements de l'épisode 6, Le Retour du Jedi. Cette suite nous montre le Premier Ordre, la récréation de l'Empire, dirigé par le suprême leader Snoke, un mystérieux être très puissant dans le côté obscur, et de son apprenti Kylo Ren, qui veulent récupérer BB-8, un petit droïde qui détient les plans de la base Starkiller, une base spatiale plus puissante que l'étoile de la mort. Le Premier Ordre captura Poe Dameron, un pilote de la Résistance, la récréation de l'Alliance Rebelle, pour qu'il leur dise où se trouve BB-8. Il sera secouru par Finn, un Stormtrooper déserteur, qui réussira à le conduire sur une planète grâce à un vaisseau, mais ils se cracheront, ce qui les séparera. Pendant ce temps-là, BB-8 fait la rencontre d'une jeune fille pauvre qui se nomme Rey, qui veut retrouver ses parents. Elle fera également la rencontre de Finn, qui était poursuivi par le Premier Ordre. Ils s'enfuiront tous les trois à l'intérieur d'un gros vaisseau, le Faucon Millennium. Ils feront évidemment la rencontre de Han Solo et Chewbacca, qui les aideront, après plusieurs péripéties, à rejoindre le quartier général de la Résistance pour les aider à détruire la base Starkiller. Rey récupérera aussi le sabre laser de Luke et elle apprendra à l'utiliser pour combattre Kylo Ren. Cette suite, qui met en scène la nouvelle trilogie de la saga, fut un petit succès avec un grand retour aux sources, avec le retour des personnages de la première trilogie qui créa une grande nostalgie auprès des fans malgré une trop grande ressemblance au premier film. En 2016, Gareth Edwards réalisa Rogue One A Star Wars Story, qui est un spin-off qui se déroule peu de temps avant l'épisode 4, où il nous montre la construction de l'étoile de la mort par le directeur Orson Krennic et de la troupe Rogue One, composée de Jyn Erso, une jeune rebelle dont son père travaille pour l'Empire, Cassian Andor, un autre rebelle, K2SO, un robot de l'Empire reprogrammé par les rebelles, Bodhi Rook, un pilote de l'Empire qui décida de faire équipe avec la Rogue One, ainsi que Baze Malbus et Chirrut Imwoof, deux moines de la Force. Ils essaieront donc de voler les plans de l'étoile de la mort pour sa future Destruction. Ce film, qui n'est qu'un spin-off de la saga, fut un agréable succès. Voilà, j'espère que cette quatrième étape dans l'univers de Star Wars vous aura plu, et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde !